ma sœur, bah ouais. Alors j'espère que t'auras le courage d'écouter. Contrairement à toi, moi je dis la vérité. Alors que tout le monde disait de me méfier. Tu voulais mon mal, pourtant t'étais la seule à qui j'avais confié toutes mes peurs, tous mes secrets. Tu venais chez moi, ma mère, c'était comme ta mère. On s'est partagé les sapes et les fourchettes. Au final, tout ça c'était que du fake. J'ai le sentiment d'avoir été la seule à avoir tourné. Dans le fond, tu le sais, depuis tant d'années. C'est un rôle que tu jouais. C'était du fake, c'était du fake. Oh non, je m'y attendais pas, j'étais sincère avec toi. T'étais la seule que je n'avais pas. Je me demande pourquoi tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Des heures que je me questionne. Comment t'as fait pour tout gâcher, ma soeur, tu m'as fait mal. Mais t'inquiète, ça va, ouais ça va, ça va, ouais ça va, ça va, ouais ça va. Même si tu m'es ma soeur, bah une soeur de cœur que tu veux protéger. Mais qui parle sur toi quand t'as le dos tourné. Celle qui change d'attitude devant son que mais. Fais comme si pour elle t'as jamais rien fait. Pendant toutes ces années, j'ai porté tes problèmes sur mon dos. J'ai passé mon temps à jurer devant ta famille ce qu'on disait toi c'était faux. J'étais ta sécurité, toujours derrière toi j'étais ton nom. Pour moi t'étais plus qu'une amie, mais ça marchait que dans un sens. J'ai le sentiment d'avoir été la seule à avoir tourné. Dans le fond tu le sais, depuis tant d'années. C'est un rôle que tu jouais, c'était du fake, c'était du fake. Oh non, je m'y attendais pas, j'étais sincère avec toi. T'étais la sœur que je n'avais pas. Je me demande pourquoi tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Des heures que je me questionne. Comment t'as fait pour tout gâcher, ma sœur, tu m'as fait mal. Mais t'inquiète, ça va, ouais ça va, ça va, ouais ça va, ça va, ouais ça va. Même si tu m'as fait mal, ça va, ouais ça va, ça va, ouais ça va, ça va. Ouais ça va, même si tu m'as fait mal. J'ai le sentiment d'avoir été la seule à donner. Dans le fond tu le sais, tant d'années. C'est un rôle que tu jouais, que tu jouais. T'es ma sœur, une sœur pour qui j'ai beaucoup pleuré. Je t'ai jamais trouvé quand j'avais besoin d'aide. Quand ça va que dans un sens faut abandonner. T'étais ma sœur.